aujourd'hui à Connaître ensemble, la prostitution et maternité. Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Mon nom est Marie-Pierre. On est de retour pour une toute nouvelle saison de l'émission Connaître ensemble. On vous a préparé vraiment une super belle programmation pour la nouvelle session. On va parler, entre autres, tout au long là, de la saison, on va aborder tout plein de thèmes en lien avec la périnatalité. Donc, comme par exemple les cours prénataux, les médecines alternatives ou encore la place des pères dans le processus de périnatalité. Aujourd'hui à l'émission, on a une émission vraiment spéciale. On est super contente de vous présenter ça. On a Gabrielle qui est avec nous. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors Gabrielle, c'est une étudiante sage-femme. Et en fait, la session passée, tu avais fait un travail, Gabrielle, sur la prostitution et la maternité. Donc, tu avais interviewé une madame qu'on appelle Céline Dubé, qui est une ex-prostituée, qui est maintenant mère de 2 enfants, bientôt 3, et qui a la charge de ses enfants. Donc, on va la voir en ligne tantôt pour faire une belle entrevue avec elle. Oui. Et on a aussi Laurence en studio avec nous. Bonjour, Laurence. Bonjour, Marie-Pierre. De quoi tu vas nous parler, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler... J'ai une petite chronique historique, en fait. J'ai lu pendant le congé des fêtes Les accoucheuses de Anne-Marie Sicotte, okay. Qui est un roman historique peut-être que plusieurs gens ont déjà lu, parce que ça fait quelques années déjà qu'il est sorti. Et puis, moi, je voulais voir si ça... Au niveau historique, est-ce que ça c'était basé sur des faits réels? Okay. Fait que j'ai lu récemment en parallèle Histoire de la sage-femme dans la région de Québec de Hélène Laforce. Okay. Afin de voir un peu si historiquement ça concordait. Et me replonger en fait dans l'histoire de la pratique sage-femme au Québec. Donc, je vais vous parler de ça plus tard, à partir de la Nouvelle-France, l'histoire des sages-femmes dans les colonies françaises, puis après la colonisation, là, comment ça a évolué dans le temps. Voilà. OK. Puis ça, c'est des romans, c'est quoi les romans, en fait? Oui, c'est Les accoucheuses de Anne-Marie Sicotte. Je pense qu'il y a 3 tomes. Hein? Oui, je pense que oui. Mais moi, je suis rendue au premier. Là. OK. Fait que c'est ça. Puis le livre, c'est d'Hélène Laforce, historienne qui a étudié ce sujet-là. Super, j'ai hâte d'entendre ça. En musique, on va vous présenter Thomas Dutronc et J.P. Natafoussi. Alors, on va commencer tout de suite avec Céline Dubé, qui est une ex-prostituée, qui est maintenant mère de 2 enfants et bientôt 3. Alors, bonjour, Madame Dubé. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous-même. Merci. Ben, vous pouvez me tutoyer, s'il vous plaît, par exemple. D'accord. Bonjour, Céline, ça va bien? Ça va très bien. Ben, moi, aujourd'hui, je suis très, très, très, très, très heureuse de vous faire connaître à plus de femmes et de familles et d'étudiants parce que vous m'avez beaucoup marqué lors de mon travail que j'ai fait avec vous. Donc, on va commencer, si tu veux bien, nous parler de ta vie un petit peu, ton parcours de vie. OK. Ben moi, quand j'étais très jeune, on vivait beaucoup dans la pauvreté. Puis, mon vrai père, il venait nous voir une fois ou deux, mettons, maximum 3 fois par année. Puis, il fallait qu'il batte ma mère, qu'il la viole, qu'il vole son aide sociale, fait qu'on vivait beaucoup dans la pauvreté. Puis éventuellement, moi, j'ai connu l'inceste vis-à-vis de ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. Et mon jeune frère aussi. Okay. Par la suite, vers l'âge de mes 15 ans, ben 2 semaines après mes 15 ans, ma mère est morte d'un accident de 4 roues. Fait que là, j'ai été en famille d'accueil. J'étais séparée de mon frère la journée de l'enterrement de ma mère. Fait que c'était un gros choc pour moi. Oui. Par la suite, à 17 ans, ben, j'ai commencé à vivre en appartement. Okay. Là, j'ai rencontré un garçon qui me battait souvent aussi. Après ça, à 19 ans, j'ai commencé à danser. Mais entre-temps, j'avais fait 2 avortements entre-temps. OK. Puis, là, c'est ça. Là, j'ai commencé à à vivre en appart. À 19 ans, j'ai commencé à danser. J'ai dansé pendant 10 ans, mais là-dedans, dans les dernières années, vers les 3-4 dernières années, j'ai commencé la prostitution, ce qui m'a amené à la drogue et l'alcool. Okay. Je suis tombée très alcoolique et droguée. J'ai fait de la prostitution, puis j'ai été battue à plusieurs reprises. J'ai été battue aussi par les Elves en Ontario, okay. Laissée pour morte. Depuis ça, là, j'ai des gros problèmes de dos. OK. Dans mon parcours, ben, c'est ça, j'ai été violée, j'ai été battue, j'ai eu 4 avortements en tout, j'ai fait 2 fausses couches en 6 mois, j'ai perdu le jumeau de mon fils, puis là, ben, j'ai mon fils et ma fille. OK. Mon fils est 6 ans, ma fille, elle a 5 ans. Puis, entre-temps, ben, c'est ça, j'ai fait plusieurs familles d'accueil, puis... grosso modo, ben, l'inceste pis tout, ben, ça fait que... Mais, tu sais, au moins, je m'en ai sortie, ben, quand même. Quand j'ai tombé enceinte de mon fils, j'avais rencontré quelqu'un, puis là, c'est comme... Ça faisait 2 fois que j'appelais pour me faire avorter, puis là, c'est comme je rappelais, je dis non, je me fais pas avorter. Puis au bout de la ligne, mais là, j'ai comme prié pour dire, là, ça me prend quelqu'un pour sortir de tout ça. J'étais plus capable de faire la prostitution. Là. J'étais écœurée de me droguer, puis de tourner en rond, puis de marcher sur place. Fait que là, j'ai prié. J'ai demandé ce que je rencontre quelqu'un cette semaine pour pouvoir garder mon enfant, parce que j'étais à la dernière limite, sinon je pouvais plus me faire avorter. OK. Puis dans ce processus-là, c'est à quel moment que vous avez appris que vous étiez enceinte de votre garçon, votre premier enfant? Ben moi, je savais que j'allais tomber enceinte. Okay. Puis c'est comme... C'est parce qu'avec le père de mon fils, c'était plus une relation physique. Okay. Quand j'ai perdu le jumeau à mon fils, ben j'étais dans les 3 premiers mois de grossesse. Mm-hmm. J'avais appelé son père pour lui dire que je venais de perdre le bébé. OK. Ah, mais vous saviez pas que vous aviez des jumeaux? Non, je savais pas. Oh. Fait que lui, tout ce qu'il m'a répondu, ben c'est parfait, c'est un problème de moins sur Terre. OK. Fait que moi, j'ai comme réglé ce cours. Puis, ouais. Sauf que là, c'était à l'hôpital, tu sais, qui m'ont dit non, madame, vous êtes toujours enceinte. Fait que là, je savais plus quoi faire. Là. C'est comme, j'étais pognée. Puis là, je me disais, là, si j'ai fait 2 fausses couches en 6 mois, je viens de perdre le jumeau. J'ai 4 avortements. Peut-être que je serais plus jamais capable de tomber enceinte. Mm-hmm. Là, j'étais dans un pattern, puis je pouvais pas arrêter de travailler non plus. J'avais pas grand-chose de l'aide sociale. C'est comme ça payait même mon loyer, puis. C'est à peu près tout. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, quand vous étiez enceinte, est-ce que vous étiez encore dans un milieu difficile ou vous aviez décidé d'arrêter? Non, j'étais toujours dans le milieu de la prostitution. OK. Puis sauf que j'avais perdu le jumeau de mon fils à cause de l'alcool. OK. Ouais, j'avais fait un gros party ce soir-là, puis le lendemain, j'ai perdu mon bébé. OK. Okay. Puis c'est pour ça que ben, à partir de ce moment-là, c'est là que j'avais arrêté la boisson. Mm-hmm. Puis je consommais encore à l'occasion, mais là, j'avais comme 3 mois de loyer à payer, puis un paquet de comptes. Fait que ouais. Soit que je gardais mon bébé, puis je me ramassais dans la rue avec, ou soit je me faisais avorter, puis je continuais dans ce monde-là. Okay. C'était un ou l'autre. Je pouvais pas faire les deux en même temps. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que je priais, puis j'étais là, je dis là, ça me prend quelqu'un là. Oui. Ça a donné que j'ai rencontré le père de ma fille. OK. Fait que c'est lui qui m'a sorti tout ça, qui a payé mes affaires. Puis quand j'ai accouché de Nathaniel, pas longtemps après, j'ai accouché de Brittany. OK. Puis à quel moment dans tout ça, vous étiez sorti, puis vous avez décidé d'arrêter de boire, d'arrêter de comme... Ben, j'ai arrêté de boire parce que j'ai perdu le jumeau à Nathaniel. Oui. OK. Puis quand j'ai sorti de tout ce milieu-là, c'est parce que j'ai rencontré le père à ma fille qui, pendant que j'étais enceinte de Nathaniel. Mm-hmm. Puis lui, ben c'est ça, il a comme tout payé mes affaires, mais il m'a dit, à condition que tu sortes de ce milieu-là. OK. Puis c'est comme, j'ai sorti de ce milieu-là, mais là, j'étais dans une impasse, tu sais, c'est comme, j'étais comme à des intox de drogue, d'alcool. Là, c'est comme j'étais pognée dans une maison. C'est comme si tu prenais un chat dehors et tu l'as mis dans une cage à oiseaux. Là. Okay. Après est-ce que, ça. Est-ce que vous avez réussi à arrêter tout seul? Oui, j'ai pas. Quand j'ai sorti de là, j'habitais à Sherbrooke, j'ai tout arrêté. Okay. C'est comme toujours. Ben, pratiquement, du jour au lendemain, parce que chez moi, je faisais plus rien. OK. Puis, sauf que j'avais pas demandé de l'aide encore. OK. C'est par après que là, j'ai commencé à demander de l'aide. Mm-hmm. Pour les programmes holo, puis tout ça, pour la grossesse. Oui, oui. Puis là, ben, j'ai vu que ça allait tellement mal, ma relation avec mon ex, parce que j'étais trop sous le air. OK. Tu sais, je voulais plus me faire toucher. J'étais en manque, j'avais le goût de voyager, de sortir de chez nous. C'est comme je pouvais plus rien faire. Oui, oui. Puis moi, j'avais besoin de l'attirance, j'avais besoin de me faire remarquer, puis de me faire désirer par les hommes. Puis j'ai jamais voyagé aussi. Fait que là, c'est comme je perdais tout en même temps. Puis des bouts que... Puis là, ben quand mon chum me touchait, ça me dégoûtait, je voulais pas. Fait que là, c'est là je me suis dit, garde, ça marche pas. Il faut vraiment que j'aille chercher de l'aide. OK. Puis, comme... Mais je ne savais pas encore que j'avais été abusée par ma mère. OK. À ce moment-là, vous ne le saviez pas? Non. Non, c'est quand j'ai commencé à allaiter mon fils. OK. Puis comment ça? Ben, c'est ça. C'est comme, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, j'avais fait un blocage. Je me souvenais de rien que ma mère. OK. Puis quand j'allaitais Nathaniel, c'est là que j'avais toujours un inconfort. OK. Puis je me disais, comment ça que... Si je l'allais trop longtemps, ça vient que j'avais comme une poussée d'agressivité qui montait. Mm-hmm. Ah oui. Là, c'est comme je le repoussais, je l'arrêtais. C'est comme lâche mes seins. Oui, oui. Quand je pouvais pas dormir, coller avec. OK. Quand je le lavais, quand je le lavais, puis j'étais rendue au parti génitaux, c'était comme si je faisais de l'inceste avec mon fils. Oui, oui. Quand je le crémais aussi, j'étais pas capable de le voir se promener nu dans la maison. C'est comme les marches à quatre pattes ou les premiers pas. Ouais, ouais. Là, c'est comme... C'est là que, graduellement, j'ai commencé à avoir des flashbacks de ma mère. OK. Puis là, j'étais là, mon Dieu, t'es rendue folle. Là, t'es fabuleuse, ça me pousse, c'est pas vrai. Fait que, là, à un moment donné, à Noël, quand là, 5 ans, là, j'ai parlé de ça à mon frère. J'ai dit, là, frérot, j'ai dit, je pense que je suis en train de devenir complètement folle, faut que je t'en parle. Puis si j'hallucine, regarde, je rentre au 7e, tu sais. Fait que là, quand j'ai parlé de ça, il m'a dit, elle t'a fait ça toi aussi. Aïe, aïe. Puis mon frère, il est comme 3 ans plus jeune que moi. Okay. Ma mère, elle a fait ça avec moi jusqu'à l'âge de 10 ans. Ça veut dire qu'elle a commencé très jeune avec mon frère. Mm-hmm. Puis c'est comme, je suis venue en colère. Ouais. C'est comme, avec moi, ça passe pas, mais dans ma tête à moi, ça passe avec moi, mais pas mon frère. OK. Et c'est comme si... Comme mon fils, aujourd'hui, il a 6 ans, c'est comme si je lui demanderais de me manger, là. Mmh. Oui. Oh, mon Dieu. Tu sais, c'est comme je regarde mon frère, puis c'est comme je dirais, allez, passe-moi le doigt, je pogne sa main, puis je me passe, tu sais. Je m'excuse d'être cru, mais c'est comme... Non, mais c'est une réalité pour vous, là. Fait que c'est comme je vois mon fils, là, puis c'est comme je pense à mon petit frère, puis en tout cas, moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis est-ce que vous étiez proche? Est-ce que vous avez toujours été dans le même cheminement, toi et ton frère? Est-ce que ton frère a été avec toi pendant toutes les familles d'accueil? Non, je l'ai dit tantôt, j'ai été séparée de mon frère à l'enterrement de ma mère. Mm-hmm. OK. Oui, c'est ça. C'est comme moi, mon beau-père, il a gardé mon frère, puis moi, ben, il m'a mis en famille d'accueil. OK. J'étais en famille d'accueil 2 ans, puis ça n'a pas été rose là, non plus, on remarque. Puis finalement, mais c'est ça. Puis quand que j'ai commencé à aller en appartement, mon beau-père m'a violée aussi. Il m'a saoulée, puis il a abusé de moi pendant que j'étais bien saoule. OK. Puis c'est comme avant son mariage, il m'avait demandé de le manger, puis tout. Puis en tout cas, c'était assez rough. Puis, tu sais, c'est comme... Pendant aussi que je travaillais, tu sais, je me suis ramassée aussi à un moment donné dans le fin fond des bois. C'est comme, tu sais, où est-ce que j'étais rendue, comment que la prostitution ou la danse, l'alcool, la drogue, qu'est-ce que ça peut amener, c'est qu'à un moment donné, ça vient que t'as plus aucun respect vis-à-vis de ton corps. OK. Puis c'est comme quand moi, je me suis fait violer la première fois dans le bois, c'était dans un chac dans le temps de la chasse épaisse, de la temps de la chasse. Puis j'étais tout ça avec 2 gars, mais c'est comme ils ont roulé comme 20 minutes dans le bois. Okay. Fait que là, j'étais là, je dis, bon, ben, là, c'est comme une petite maison qu'il y avait, puis là, ils ont passé sur moi, mais moi, je voulais pas, mais là, je me dis, Céline, t'es en 20 minutes dans le bois, personne ne sait ce que t'es, oui. Personne ne connaît ton vrai nom. Donc, ça. Tu te défais, puis qu'ils t'enterrent là, ou bien, tu te laisses faire, puis t'embarques dans leur jeu pour essayer de sortir du bois. Pis, fait que là, c'est comme, c'est là que j'ai appris à me séparer de mon corps, puis c'est comme, t'as fini ta job, décalé. Oui. Puis, par rapport à ces expériences-là, par rapport au rapport à votre corps, comment vous avez vécu après ça la maternité vis-à-vis votre corps, là, parce que c'est quand même, le corps change, puis on porte en soi quelqu'un d'autre. Comment vous avez vécu la maternité avec tout le bagage là, que vous aviez? Ben, je te dirais qu'avec avec Nathaniel, c'est parce que j'ai une grossesse extrêmement difficile avec Nathaniel. Okay. Tu sais, c'est comme j'ai perdu son jumeau. Okay. J'ai, oui. Bon, j'ai été opérée des deux tunnels carpiens. Ça, c'est okay. Dans les poignets. Okay. J'ai fait tellement d'enflure que j'étais plus capable de me lever toute seule ou marcher. OK. Donc, ça a été très difficile. Oui, puis Nathaniel, à l'accouchement, il a été réanimé. OK. Fait qu'il était mort-né. Fait que. Mais c'est comme. Sauf que pendant la grossesse, elle a été tellement difficile. Là, je me disais que ça doit être le châtiment du passé que j'ai eu. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai. Sauf que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme révoltée. Parce que là, je sortais plus, je faisais plus rien, j'étais enfermée. Je pouvais même plus utiliser mon corps comme je voulais. J'étais rendue à détester mon corps. OK, OK. Puis j'ai trouvé ça difficile. Puis à la deuxième grossesse, c'était comment? Avec Brittany, c'était numéro un. OK. OK. Vous aviez cheminé. Oui. Oui, puis c'est ça. Puis avec Nathaniel, mais c'est ça, c'est quand mon frère a confirmé que c'était vraiment vrai, que j'avais subi l'inceste. C'est là que j'ai été chercher de l'aide. OK. Donc. Puis c'est avec cette psychologue-là qu'elle m'a tellement donné confiance en moi que, ouais. Que c'est là que j'ai comme... Elle me comprenait, elle me jugeait pas. Ouais. Puis c'est comme... Elle, ça l'a épaté le cheminement que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé. Qu'aujourd'hui, tu sais, je ne consomme plus, puis que là, je me consacre à ma famille. Je vais travailler sur moi, j'ai été chercher des ressources, des programmes. J'ai participé à des enfants familiales, des ressources familiales. Mm-hmm. Fait que. Puis je voulais changer, je voulais travailler. Oui. C'est parti de vous, en fait, la volonté. Oui, mais moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Moi, je me suis dit, c'est soit ça ou tu te ramasses en rue. Oui, c'était comme un choix. C'est parce que là, j'ai pas de mère. Mon père, je le connais de nom, mais je veux dire, c'est pas un père. Mon frère, je le vois pratiquement jamais. Je le vois une fois ou deux par année. Que, tu sais, je suis vraiment seule avec mes enfants. J'ai pas d'autre famille. C'est comme, tu te débrouilles, tu passes à travers, ou ben tu te laisses aller, puis tu vis dans la misère. Mm-hmm. C'est comme, t'as pas le choix. Vous avez commencé à parler d'intervenante. On va faire une petite pause, puis au retour de la pause, on va enligner plus l'entrevue dans cette direction-là, là, par rapport à l'aide que vous avez été chercher, puis aux intervenants qui étaient autour de vous pour vous soutenir. C'est parfait. Donc, on va faire une petite pause. On va aller en musique avec Thomas Dutronc, sa chanson « Je suis pas d'ici ». On rappelle, on est en entrevue téléphonique avec Mme Céline Dubé, qui est une ancienne prostituée qui a maintenant la charge de ses deux enfants. Vous êtes à l'écoute de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un seau d'eau, un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard, deux mojitos. Je vais me coucher tôt. Vous êtes à l'écoute de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Alors avant la pause, on a entendu Thomas Dutronc avec sa chanson Je suis pas d'ici. On rappelle, avant la pause, on a eu le début de l'entrevue avec Madame Céline Dubé, qui est une ancienne prostituée qui a maintenant la charge de ses deux enfants. Alors, on est de retour avec vous, Madame Dubé. Bonjour. Bonjour. Alors, on va enligner la deuxième partie de l'entrevue un peu plus sur les intervenants qui vous ont accompagné dans votre cheminement et sur l'aide que vous avez reçue. Donc, Gabrielle? Tu peux nous parler des ressources que tu es allée chercher, la multitude de ressources, je peux spécifier que tu es allée chercher par toi-même, dans ta région, les programmes qui s'offraient, puis que tu as trouvé, que tu as pris en charge de trouver pour te venir en aide. OK. Moi, c'est ça, j'avais commencé avec le CLSC pour avoir une psychologue. J'avais fait une demande pour une psychologue. Puis, sauf que ça a pris presque un an avant que je puisse l'avoir. Ah oui? Oui, c'est ça qui a été dur parce que quand je l'ai eu, je venais juste de me séparer avec mon ex. Hein. OK. Fait que, mais c'est ça, là, après ça, j'ai fait le programme de 0 à 6 mois avec mon fils. Puis, en tout cas, tous les programmes de parents-enfants. Mm-hmm. Okay. Ça, j'étais à Parents-Ressources à Victoriaville. Mm-hmm. Parents-Ressources, ça, c'est un organisme familial. Il y a plein d'activités, il y a plein de rencontres parents, des rencontres entre pères. Okay. Tu peux aller chercher du linge aussi, là, c'est gratuit, tout le monde qui amène du linge. Okay. Tu vas le chercher gratuitement. Tu as le yoga prénato, puis tout le kit. Fait que, moi, j'avais été suivre ça. Okay. Les rencontres le mercredi, les rencontres parents, puis le yoga. J'ai fait aussi le programme PAF avec le CLSC. OK. C'est quoi ça? Le programme PAF, c'est un programme pour... c'est un programme d'aide aux familles. OK. Puis c'est sur 2 ans, puis tu as 4 volets. OK. Puis moi, j'avais été là par moi-même, parce que normalement, mais c'est, mettons, plus des gens en besoin, puis que là, le CLSC réfère d'aller suivre ce programme-là. OK. Sauf que, ou c'est la DPJ qui oblige à aller suivre ce programme-là. Okay. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait parlé, puis j'avais bien aimé ça. Mm-hmm. J'ai dit, moi, je vais y aller, je vais peut-être pas suivre le programme au complet, mais moi, je vais juste suivre le volet parent avec son enfant. Puis, finalement, j'ai aimé ça, j'ai tout suivi. Puis après ça, j'ai été aussi chercher de l'aide à Calac, puis à Cavac. Cavac? Oui, c'est le Cavac, centre d'aide. Cavac, Calac. C'est okay. Le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, je pense. Oui, t'en as un, c'est l'acte criminel. L'autre, c'est agression pour ceux qui ont subi de l'inceste. OK. Et un autre, c'est pour les victimes. T'en as un pour les victimes d'agression sexuelle. Un pour les actes. En tout cas, c'est 3 choses différentes. Puis il y en a un comme IVAC. Lui, c'est pour aller chercher une subvention pour pouvoir payer, mettons, ta psychologue ou ta psychothérapeute, des choses de même. Fait que j'ai été chercher ça. J'ai été aussi suivre le cours d'Elisabeth Fry. Okay. Ça, c'est pour venir ça, normalement, c'est... En général, c'est du monde qui sort de prison qui va là. OK. C'est pour ceux qui sont très agressifs. C'est pour apprendre à contrôler son agressivité. OK. OK. Puis moi, j'ai dit, j'aimerais ça, aller suivre ça. Parce que moi, je suis une fille qui est assez directe, prompte, puis ça marche pas, tu vas le savoir, puis tasse-toi, tu sais. OK. Fait que, puis aussi, je suis quelqu'un qui me connaît pas. La manière que je parle, elle pense que je crie tout le temps après mes enfants, mais c'est ma façon de parler normale. OK. Tu sais, fait que, c'est... Tu sais, j'ai une voix raide puis forte, là. Ouais. Fait que là, sauf que quand que je pétais les plombs, c'était pas rose. Fait que là, j'ai dit, je pense que j'aimerais ça aller suivre ce programme-là. Est-ce que ça a été efficace? Dans mon cas, non. Ah, OK. parce que c'est j'avais fait tellement de suivi, j'avais tellement eu de parce que j'ai déjà eu la psychologue, j'ai déjà eu oui. la psychoéducatrice, l'intervenante pour les enfants, j'ai eu la travailleuse sociale, j'ai suivi des cours, des programmes. Et quand je suis arrivée là, pour moi, c'était tout déjà connu. Hein. Ah, OK. Fait que, ben c'est ça, ben, vu que j'avais déjà eu un dossier criminel, parce que j'ai fait ma demande de pardon, ils ont accepté que je suive ce cours-là. OK. Fait que je l'ai fait, t'sais. Mais c'est toutes des choses que j'allais tellement chercher. À un moment donné, je me retrouvais comme avec 3-4 affaires dans la même semaine. Mm-hmm. C'était trop. Oui. Puis à un moment donné, c'est comme c'est toutes des choses qui reviennent. Puis, tu sais, ma fille était très, très jeune, il y a 3 ou 4 ans, fait qu'elle avait 1 an. Puis, c'est comme là, j'étais embarquée un peu partout, puis c'est toutes des choses de psychologie. Fait qu'à un moment donné, tu veux pas, quand c'est toute la psychologie, ça prend beaucoup d'énergie. Ben oui. J'arrive le soir, puis je suis comme claquée de ma journée, je suis épuisée, puis ça ajoute tes sentiments. Des fois, tu pleures, des fois, tu es enragée. Fait que. C'était trop. Le soir, ça venait dur avec les enfants. Okay. Fait que là, j'ai dit, là, regarde, je prends une année que je fais plus rien. Hein. Puis avez-vous... Finalement, j'en ai pris 2. Puis là, ben je recommence dans les programmes normaux. Mais qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup pendant ce temps-là, c'est qu'il y a 2 personnes, ben 3 au fait, qui m'ont vraiment compris. Okay. Qui m'ont aidé, puis c'est les autres, sans le savoir, qui m'ont poussé à avancer. OK. Puis... Là, pas les déplaire. Okay. Parce que ces 3 personnes-là, ils ont toujours cru en moi. OK, ils ont cru en vous. Oui, fait que c'est comme ma psychologue. Ben, mon premier intervenant que j'ai eu, c'est laissé, pas les remplaçants, mais l'intervenant, le vrai, qui m'a suivi longtemps. Lui, il a toujours cru en moi, puis c'est comme, tu sais, il me dit, ah, Céline, on va pas suivre ce cours-là. Tu sais, c'est pas pour toi. Tu sais, je veux dire, t'es une bonne mère. Tu veux plus retourner dans ces affaires-là, puis c'est du monde qui pourrait peut-être. T'as ramené des souvenirs, t'as ramené à l'eau ou t'es influencé, puis c'est comme t'es pas. Lui, il me voyait pas à retourner là, tu sais. OK, il avait confiance en vous, puis il croyait que vous aviez plus besoin, vous aviez fait votre chemin. Ouais, que j'avais du potentiel en tant que parent, puis tu sais, lui, il était là vraiment pour m'aider à ce que j'aille les ressources que j'avais besoin, tu sais. Mm-hmm. Mettons, je disais là, j'ai besoin de tout ça. Okay. Un aide pour ça, mettons pour la garderie, ben il allait chercher comme de l'aide, une subvention pour m'aider pour ça. Puis les 2 autres personnes que vous disiez qui vous ont considéré, c'était qui? Oui, après ça, ben il y a eu ma psychologue j'avais Joanne Beaumont. Puis elle, ça a été une perle. T'sais, elle m'a vraiment aidée. T'sais, elle a toujours cru en moi. Mm-hmm. Puis c'est comme à un moment donné, j'étais là, Joanne, je pense que je commence à retomber, tu sais. À un moment donné, c'était comme, je vivais ma séparation, là, j'avais eu un refoulement d'égout. Il fallait que je déménage ici, puis là, tu sais, je m'avais trouvé dans la rue aussi avec mes enfants, mm-hmm. puis en tout cas, fait que c'était pas rose. Puis là, Céline, elle dit, t'es forte, elle dit, depuis que je te connais, t'es forte. T'étais tellement passé à travers d'affaires qu'il y a du monde qui ont peut-être subi le tiers ou même moins que ça de toi, puis qui sont plus capables de remonter. T'sais, c'est comme moi, ça peut. Il y a une bombe qui tomberait sur ma maison. Bon, on a une chose de plus dans ma vie, puis on repart à zéro. Ben, elle avait vraiment parler, raison, là. En tout cas. Ouais, elle avait raison. Oui. Vraiment. T'sais, c'est comme. C'est comme qu'elle disait. Toi, c'est. Tu sais, oui, puis elle me dit que je travaille beaucoup sur moi, que j'ai tellement travaillé que je me connais, puis vraiment, je peux faire ma propre thérapie si je voudrais. Puis, c'est comme faire, ça, il m'est arrivé ça, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Puis, oui. Je me connais, je prends le temps de m'étudier. Puis, c'est comme, Céline, elle dit, arrête de penser de même. Là. Elle dit, là, je sais, tu vas revenir la semaine prochaine, puis tu vas avoir avancé de 3 étapes sans même que je t'aille demander d'avancer. Fait que, tu sais, elle a tout le temps tellement cru en moi qu'elle ne m'a jamais jugée. Mm-hmm. Tu sais, elle a pas dit, elle a fait ça, elle a fait ça. Oui. Bon, ben moi, je donne un pourcentage qu'elle va retomber là-dedans. Oui, oui. Ou elle va me. Tu sais, la manière qu'elle me parlait, c'est. Elle m'a jamais sous-entendu, tu sais, j'ai peur que tu retombes comme oui. ça. J'ai peur que tu retombes. Elle m'a jamais fait sentir ça. Quand une intervenante dit, fais pas ça, j'aurais peur que tu retombes là-dedans, tu sais. Oui. De te retirer, c'est comme, tu n'as pas confiance en moi. Mm-hmm. Ouais. Si tu me dis ça, c'est que tu n'as pas une confiance absolue. Fait que, dans ce temps-là, c'est comme, ben, tu sais, il s'en crie, de toute façon, il savait que j'étais pour tomber là-dedans, fait que fuck off, tu sais, moi, j'y vais. Mais tu sais, comme, ben, c'est vrai que moi, je suis une personne aussi qui, j'aime relever des défis. Fait que, c'est comme elle, elle me dit, non, Céline, t'es plus forte que ça, fais pas ça. Ben, voyons donc, c'est pas toi, ça. C'est quand tu penses comme ça, tu sais, puis c'était tout le temps du positif, puis ben non, jamais elle a eu un doute. Okay. Fait que moi, c'est comme, j'arrivais chez nous, puis je sais que elle, ils ont confiance en moi, puis ils savent que je suis pas comme ça, fait que, tu sais, je vais leur donner raison. Ouais. C'est vraiment, garde, je me poussais, puis là, je savais, j'avais une autre rencontre, mettons, dans une semaine ou deux, puis t'as eu raison, Joanne, je l'ai pas faite, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est, puis elle était fière de moi, fait que, ben, tu sais, j'ai pas ou quoi. Ouais, moi, c'était comme mon défi avec ma psy, là, tu sais. Fait que j'ai tout le temps, ça a été le même tout le long, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial. Puis, c'est pareil que mon intervenante, j'avais demandé une éducatrice spécialisée pour mes enfants m'aider. Puis, elle venait chez nous, puis, tu sais, elle trouvait que mes enfants étaient bien élevés, puis que j'étais propre, que j'étais ci, puis ça, puis que je m'organisais bien, qu'il manquait de rien. Fait que là, tu sais, je fais la pop-up, le ménage, puis tout. Puis je suis tout le temps en train de sortir mes enfants partout l'été. Ils font tout ce qu'il y a pour les enfants l'été. C'est génial. Fait que, sauf que j'ai dit, gars, moi, comme j'ai déjà dit, un chien qui jappe ne mord pas. Ben moi, je jappe, puis je hurle, mais je mords pas. c'est comme... pas moi qui va frapper mes enfants ou quoi que ce soit. Là, oui, oui. Mais j'ai la voix forte, puis garde, je vais te pogner par le bras, puis je vais t'asseoir assez raide, mais ça ira pas plus que ça. Mm-hmm. Mais tu sais, là, je vais crier, je vais japper, je vais hurler, mais ça va rester de même. T'sais, fait que, sauf qu'il fallait que je travaille là-dessus quand même, là, encore aujourd'hui. Mais tu sais, je me suis jamais cachée. Puis je pense que c'est ça que les intervenants apprécient, c'est quand on cache rien. OK. Ouais. Fait que, si c'est une bonne ou un bon intervenant, s'il sent que tu as confiance en lui, que tu caches rien, il va avoir confiance en toi. Mm-hmm. Mais ça dépend toujours de l'intervenant. On s'entend qu'il y a des trous de cul partout aussi. Mais c'est comme... non, je sais pas. Mais tu sais, moi, je sais que j'en ai pogné deux. Puis elle, celle qui venait chez nous pour mes enfants, elle trouvait que je faisais ça bien. T'sais, mettons, s'il y avait une petite affaire à travailler, je le faisais. Mais ouais, ouais. Il y a des choses que je sortais durant la semaine, comme la pige de j'appelais la pige du bonheur. C'est comme t'as passé une belle semaine, c'était des récompenses pour mes enfants. Fait qu'ils pigeaient une récompense. Oui. Je faisais des calendriers, puis bon, rendu à telle date, s'il y a plus que 3X, tu fais pas l'activité ou des choses de même. Que oui. Je sortais des affaires sans même qu'elle me les propose. Elle me dit, veux-tu me dire pourquoi je l'incite, ma belle? C'est comme et là, vous êtes très proactive. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, c'est comme... Mais elle dit, j'en reviens pas avec... Tu sais, c'est comme aujourd'hui, je consomme plus, je fais plus rien. Ouais, ouais. Puis pour mes enfants, je ne sors pas dans les bars. Je rentre pas de boisson chez moi. Tu sais, j'essaie d'éviter parce que je suis alcoolique. Puis je me connais. Si je me mets devant une bière, la bière va passer avant mes enfants. Oui, oui. Tu sais, c'est ça que je veux pas. Oui. Le lendemain, je vais être malade. Là, mes enfants, je vais les mettre de côté. Je ne peux pas bien m'en occuper. Puis peu importe. Fait que, regarde, tant qu'à agir de même, tout semaine, pas boire. Oui, oui. Fait que je m'organise pour ne pas aller là-dedans. Mm-hmm. Puis je m'organise pour ne pas que mon entourage consomme. Fait que, c'est pour ça que je me tiens quasiment pas grand monde. Pas beaucoup de monde. Mais, tu sais, je m'organise. Puis ces personnes-là, qu'est-ce que j'ai aimé? Qui ont toujours cru en moi, puis les autres, ils voyaient plus mes qualités que les choses que j'ai faites. Oui. Les autres, ils ont remarqué plus les efforts que j'ai donnés. Ben oui. J'ai avancé, les ressources que j'ai été chercher, les programmes, ils ont vu, regarde, c'est toi qui vas les chercher, c'est pas nous autres, c'est toi. Oui. Fait qu'on voit que tu veux. Votre volonté. Fait que pourquoi que ça arrêterait aux choses du passé? Mais moi, en tout cas, je vous trouve vraiment vraiment extraordinaire. Là. Je vous écoutais parler, vous avez allaité vos enfants, vous disiez tantôt que vous les massiez, que vous... Tu sais, avec tout ce que vous avez vécu, il y a beaucoup de mères qui auraient peut-être pas été capables de poser ces gestes-là, comme vous avez vraiment, comme dès le début, décidé là, que là, c'était assez. Puis vraiment, là, je vous félicite. C'est vraiment impressionnant de vous écouter parler tout ce que vous avez vécu. Oui, c'est vraiment inspirant. Là. Vous êtes un exemple à suivre. Là. C'est incroyable la détermination et la volonté dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie. Là. C'est j'allaitais ma fille 2 ans aussi. Ah, j'allaitais mon fils 1 an. Mon Dieu, c'est vraiment bon. Vous êtes bon. Bravo. Merci beaucoup. Si j'ai pu aider au moins une personne, c'est une personne à sauver. Ah, ça, c'est sûr. Puis je suis sûre que vous avez sûrement inspiré d'autres gens. Vous avez fréquenté beaucoup d'organismes. Il y a Centraide qui m'a approché. J'ai fait un témoignage à Centraide. Si quelqu'un veut me voir, ils peuvent aller à Centraide, Centre du Québec. OK. Le témoignage de parents ressources ou la maison de la famille. OK. C'est ça. Ah, ben on pourrait mettre le lien sur notre site Internet là, pour sur notre page Facebook. Aller voir. Est-ce que vous voyez ma photo avec camisole rouge avec mes enfants? Parfait. Ça, c'est vrai, c'est la photo. Il y a ça. Il y a Santal qui m'a approché. J'ai fait des témoignages. Okay. J'ai fait aussi un témoignage à l'église chrétienne. OK. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent aussi, qui ont besoin de croyances et de support. Pour finir, j'ai... une petite dernière question. Selon toi, Céline, c'est quel conseil ou qu'est-ce que vous aimeriez dire aux intervenants, intervenantes qui sont en relation avec des personnes qui ont des besoins semblables aux tiens? J'aurais 2 choses à dire. La première, c'est que moi, les intervenants, surtout quand tu es adolescent, et c'est très dur quand tu as perdu beaucoup de monde autour de toi, puis que tu te fies sur ton intervenant, que rendu à 18 ans, ils te mettent de côté, puis c'est comme on tourne la page est déchirée dans la poubelle. Okay. Ça, c'est très rough. Mm. C'est dur. Commence seul de même, tu as 18 ans, tu te débrouilles, et nous autres, on est là pour les jeunes. C'est comme, ils devraient comme... Une continuité. Graduelle, puis les amener à quelqu'un d'autre tranquillement avant de casser le lien. Ouais. En tout cas, moi, je le vois de même. C'est un bon... Puis l'autre affaire, mais c'est comme l'intervenant, c'est de ne pas toujours ramener le passé à la personne. OK. C'est de donner... c'est comme... Bon, regarde, t'as déjà fait ça, t'es en dedans à cause de ça, t'as fait ça, t'es tout à juger, puis revenir sur le passé. C'est pas bon. C'est vraiment, regarde... T'as en avant. Traversé ça, t'as avancé, t'es rendu là. Puis j'ai confiance, tu pourquoi tu retournerais là-dedans? Je suis sûre que tu ne veux même plus retourner là-dedans. C'est vraiment se taxer vraiment sur le positif puis de donner confiance aux jeunes. Puis montrer aux jeunes que tu as confiance puis tu es comme un membre de sa famille puis il faut que tu sois de chum avec. Juste faire ton rôle, ton papier, tu as 1 heure avec, tu décris, c'est fini. On passe au suivant, 2e à 2 heures puis ça marche. En tout cas, je veux dire, on est des êtres humains puis c'est ça. Moi, je pense que c'est le même, nous. Ben, merci. C'est des beaux conseils. Merci beaucoup, Mme Dubé. Ben, merci beaucoup à vous, puis merci de m'avoir fait confiance. Ben, merci. Bonne journée. Bonne chance pour la suite. Oui. Alors, c'était Céline Dubé, qui est une ancienne prostituée, qui a maintenant la charge de ses 2 enfants, qui a un passé, on l'a entendu tantôt dans la première partie de l'émission, qui a un passé qui est assez lourd. Et qui a fait preuve d'une volonté et d'une détermination vraiment à tout casser, qui a été chercher de nombreuses ressources pour s'en sortir et pour être une mère, ma foi, qui semble assez exemplaire. Donc, on la remercie beaucoup. C'était un témoignage vraiment touchant, vraiment exceptionnel. Merci. Alors, Laurence, tu vas nous faire maintenant ta chronique historique. Oui, moi je vais vous parler, l'histoire des sages-femmes au Québec depuis le tout début là. Donc je vais essayer de, je suis pas historienne, donc je me suis basée sur le livre d'Hélène Laforce, Histoire de la sage-femme dans la région de Québec, qui a été publié en 1985. Donc je vais essayer d'être le plus concise possible et de de résumer ça parce que c'est vraiment très vaste comme sujet. C'est complexe. Tout d'abord, les sages-femmes sont présentes en Nouvelle-France depuis vraiment le tout début de la colonie parce que c'était important d'assurer la survie de la nation dans les colonies. Donc, il fallait des bonnes sages-femmes. Puis en Europe, la pratique sage-femme a été très bien développée depuis plusieurs années. Il y avait des écoles de sages-femmes. Donc, la pratique était bien installée. Donc, les premières sages-femmes qui sont arrivées au Québec, en 1654, il y a Marguerite Langlois, qui est la première sage-femme officielle de Québec. Puis en 1722, l'arrivée de la première sage-femme entretenue par le roi. Donc, c'est vraiment les débuts là, d'une pratique qui va vraiment s'installer. Les besoins sont très importants. Okay. Donc, les sages-femmes ont une formation qui vient d'Europe, dans le fond. Puis ça va se transmettre comme ça. C'est très bien installé. Un savoir empirique, des connaissances de millénaires, là, de longtemps. De connaissances traditionnelles. Oui, vous, c'est ça. Puis... Justement, on lit souvent qu'au 16e, 17e siècle, il est de loin préférable de se faire accoucher par une sage-femme que par un chirurgien. Ah ouais. Les connaissances des sages-femmes vont vraiment être supérieures au niveau de la pratique, de l'expérience, alors que la chirurgie commence à se développer, mais c'est les balbutiements, c'est des pratiques un peu... les femmes sont un petit peu des cobayes, tu sais, donc... Okay. Puis c'est pas un domaine où on a vraiment droit à l'erreur, l'accouchement. Non. Donc, il y avait beaucoup de bébés ou de mères qui mouraient suite à l'intervention d'un chirurgien. Mais, fait que ça, c'est ça se développe. Dans le livre d'Hélène Laforce, on peut lire que les chirurgiens connaissent un mal le corps des femmes, des conceptions erronées par rapport à l'anatomie. Okay. Donc, c'est pas évident. Mais l'arrivée de l'accoucheur va vraiment de l'homme là, qui vient accoucher. Ça va vraiment être, ça les historiens semblent s'entendre là-dessus, issu d'une mode dans les milieux aristocratiques. Donc, c'est vraiment la bourgeoisie, les gens plus riches qui vont faire appel aux chirurgiens dans le domaine de l'accouchement. On est toujours en Nouvelle-France, là? Oui, okay. Oui, on est toujours en Nouvelle-France. Okay. Et le chirurgien, c'est le chirurgien barbier. OK, ça c'était un corps de métier. Okay. Fait que c'est quand même drôle de savoir que les chirurgiens barbiers, ça faisait partie de la même gang. Et on avait les médecins de l'autre côté, donc c'était vraiment deux corps de métier différents. Les chirurgiens barbiers au 17e siècle, c'était plus vu comme des artisans, tu sais. Okay. C'était, tandis que les médecins, c'était plus noble un peu, c'était un métier, tu sais, c'était plus des intellectuels. Okay. Donc, c'est ce que Hélène Laforce... un peu plus oui, autre. C'est ce qui semble être. Okay. Les médecins s'intéressent peu à l'accouchement. Tandis que les chirurgiens vont comme essayer d'entrer dans ce domaine-là, notamment parce qu'ils vont maîtriser, pas vraiment le bon terme, en fait, ils vont arriver avec un nouvel outil qui va vraiment changer le domaine de l'obstétrique, les fameux forceps. Oui. Donc, les forceps vont vraiment, là, ça va être l'outil de choix du chirurgien qui va un peu légitimer sa pratique, dont les milieux aristocratiques vont faire appel au chirurgien avec ces fameux forceps ça va le rendre vraiment fort populaire. Là. Mais son efficacité est plus ou moins claire parce qu'il y a beaucoup, c'est ce qu'on peut lire souvent, beaucoup de gens qui vont utiliser les forceps de chirurgiens qui le maîtrisent très mal. Ouais. Et ça va faire des problèmes, notamment beaucoup de décès, autant pour la mère que pour l'enfant. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Puis, dans le contexte du 17e, 18e siècle, c'est vraiment le savoir scientifique qui va s'imposer de plus en plus avec les Lumières, le courant des Lumières. Donc, le médecin va être vraiment très bien vu tranquillement. Bon, ça va prendre toute sa place. Mais il faut vraiment faire la distinction. Dans l'histoire, dans tous les documents qu'on va voir, il n'y a pas de... Au 17e, 18e siècle, ça va beaucoup être des procès de chirurgiens. Donc c'est pas on a la vision que la médecine, la chirurgie, c'est plus efficace, c'est précis. Dans ce temps-là, c'était pas du tout précis c'était comme science, c'était l'inverse. Puis on va voir dans les archives qu'Hélène Laforce a épluchées des procès notamment en 1750 à Mascouche, le procès d'un chirurgien où il voulait se faire payer par un homme pour un accouchement qui avait causé finalement la mort du bébé et de la mère. Okay. Et dont deux sages-femmes avaient c'était formellement opposé à ce que le chirurgien intervienne parce qu'il avait provoqué l'accouchement. Et il voulait se faire payer, là, finalement. Puis okay. Il y avait eu un procès là, par rapport à ça. Donc, aussi, les chirurgiens vont avoir beaucoup de difficultés en Nouvelle-France à percer le monde rural. L'accouchement va rester pendant longtemps une affaire de femmes, jusqu'en 1740 du moins. Et puis, l'efficacité des sages-femmes est comme prouvée là, pour les gens en campagne, puis depuis des années, ça fonctionne comme ça. Puis les gens ne voient pas pourquoi qu'on faudrait payer un chirurgien, un service, quand que ça se fait fort bien là, de cette façon-là. Mais tout de même, les sages-femmes puis les chirurgiens vont être très proches, vont avoir des bonnes relations. Si on regarde en Europe, au contraire, il va vraiment avoir une guerre de métiers. Chacun va essayer de défendre ses intérêts, tandis qu'en Nouvelle-France, il va y avoir vraiment une collaboration qui va s'établir, une bonne délimitation du rôle de chacun. Donc, la sage-femme va vraiment s'occuper de la majorité des accouchements quand ça se déroule bien, puis va faire appel de temps en temps avec un chirurgien. Souvent, même, on remarque dans les archives que les chirurgiens vont marier une sage-femme des fois, ou dans la même famille, on va souvent avoir des sages-femmes, des chirurgiens, parrains, marraines, des différents corps de métier. Donc, il y a vraiment des liens là, familiaux dans ces deux... Il y a une entraide entre les deux, entre ces deux professions. Puis à partir de 1740, là, c'est là qu'on remarque là, dans les archives de plus en plus d'interventions du chirurgien. Puis une transition là, où on va avoir des accouchements sage-femme-chirurgien. Puis la sage-femme va tranquillement avoir un rôle plus d'assistante. Puis on remarque que beaucoup de femmes de chirurgiens vont se faire aussi accoucher par des sages-femmes, dans les archives. Puis bon, ben c'est ça. Ensuite, on a la conquête anglaise en 1760. Donc, ça va changer un peu. Là, ça va être l'arrivée des chirurgiens anglais. C'est ça. Donc, ça va changer un petit peu le paysage là, de la pratique sage-femme. Mais les médecins anglais vont vraiment défendre les sages-femmes. Encore là, l'efficacité des sages-femmes est vraiment prouvée au niveau justement de l'asepsie. Dès 1560, on retrouve dans le code des sages-femmes de se laver les mains alors que les chirurgiens ne se lavaient pas les mains. Et on se rappelle qu'on est avant Pasteur et des découvertes au niveau de l'asepsie. Donc, les chirurgiens dans les maternités amenaient vraiment beaucoup de maladies parce qu'ils passaient d'une salle de dissection où il y avait des maladies à une salle d'accouchement. Donc, tandis que les sages-femmes, en pratiquant à la maison, un milieu où on avait le contrôle là, sur la propreté, finalement, les sages-femmes avaient déjà dans leurs habitudes, des habitudes de se laver les mains, par exemple, de nettoyer les instruments, ce que les chirurgiens ne faisaient pas toujours. Et d'ailleurs, il y a un chirurgien, Fischer, qui dépeint en 1784 la médecine de façon un peu douteuse. Là. Ça donne pas le goût de faire appel à un médecin à cette époque-là. Puis c'est un chirurgien qui parle. Il dit « Fort peu de médecins sont compétents. La majeure partie des chirurgiens sont des charlatans. La population y gagnerait s'il n'y avait pas un seul disciple d'Esculape dans le pays. Ce sont eux qui déciment la collectivité. Leur ignorance n'a d'égal que leur outrecuidance. Ils n'ambitionnent qu'une chose, arracher le plus d'argent possible à des clients qui ont confiance en eux et les croient renseignés. » Wow! Fait que ça, c'est un chirurgien. Un chirurgien en 1784 qui va réformer, là, dans le fond, la pratique de l'obstétrique, mais de la médecine en général. Là. Mm-hmm. Et donc, va être vraiment du côté des sages-femmes parce qu'on se rend compte qu'il y a plus que des bons résultats. Ouais. Puis c'est ça, c'est là qu'on va ouvrir aussi des dispensaires à Québec, dispensaires de Québec, puis la Société compatissante de Québec. Mm-hmm. Puis ce qu'on peut, qui est un peu retracé dans le roman de Les Accoucheuses. Et la Société compatissante va avoir vraiment un vif succès parce que c'est dirigé par des femmes, c'est vraiment des femmes riches qui vont s'investir, puis qui vont engager des sages-femmes de renommée. Puis ça va très bien fonctionner, tandis que le dispensaire de Québec va pas fonctionner. C'est parce que ça va être dirigé par des hommes, par des médecins. Il va y avoir beaucoup d'étudiants qui vont passer, donc les femmes ne se sentent pas nécessairement respectées. Pour plein de raisons, en tout cas, ça fonctionnera pas. Les formations des sages-femmes sont très coûteuses aussi. En Europe, en Angleterre, en Allemagne, la formation des sages-femmes est financée par l'État. Okay. Tandis qu'en Amérique, aux États-Unis, autant qu'au Canada, ça ne sera pas financé par l'État. Donc, les femmes qui pouvaient accéder à ces cours-là, c'était pas évident. Donc, c'est vraiment cet élément-là qui va faire que la pratique sage-femme va vraiment se différencier par rapport à l'Europe versus en Amérique. Puis, dont on a les conséquences aujourd'hui, finalement. Et puis, ben c'est ça. En fait, ça s'est poursuivi jusqu'en 1909, la Corporation des médecins. Puis là, ça a vraiment fait ce regroupement-là a vraiment fait donner aux médecins un pouvoir social. Et puis, le médecin a vraiment pris une place dans la société qui a été marquante. Puis c'est commencé à s'intéresser. Les médecins se sont mis à s'intéresser plus aux accouchements, à l'obstétrique, parce que c'était une façon de se faire de la clientèle. Mm-hmm. C'est ça. Fait que en 1890-1910, ce que Hélène Laforce appelle ça le nettoyage, la période du nettoyage des sages-femmes. Donc les sages-femmes vont être vraiment tassées là, de la sphère des accouchements. Puis ensuite, ça va se poursuivre là, avec vraiment la médicalisation de l'accouchement qui va se passer de plus en plus dans les hôpitaux. Mais ce qui est intéressant quand on regarde, on lit sur l'histoire des sages-femmes, c'est qu'on se rend compte que c'est jamais le manque de connaissances qui a été mis en cause, de compétences, parce que à travers l'histoire, les femmes ont choisi les sages-femmes pendant longtemps. Les médecins ont appuyé les sages-femmes aussi pendant longtemps. C'est vraiment toutes sortes d'éléments qui sont autant politiques que sociales aussi. La place des femmes, l'histoire des femmes est quand même liée aussi à l'histoire, à la place des sages-femmes, parce que, veux pas, la médecine, c'était des hommes, les sages-femmes, c'était des femmes, donc ça a une importance. Puis, c'est sûr, il y a eu un effet de mode aussi. Tu sais, on s'est mis à faire plus confiance à la science et une mode, bien, plus qu'une mode, là, vraiment une idéologie qui est encore présente aujourd'hui. Et c'est ça, mais si on regarde l'histoire, en tout cas, la compétence des sages-femmes a quand même toujours été assez valorisée. Et voilà, c'est un peu le petit résumé que je pourrais vous faire rapidement. Oui, mais oui. Je vous encourage vraiment à lire Les Accoucheuses si vous avez quelque chose de léger, de romancé. Oui, c'est très romancé. Oui, puis sinon, le livre d'Hélène Laforce, dont on pourra mettre les coordonnées, qui est un document vraiment plus historique. Donc, on va mettre plusieurs liens sur notre page Facebook cette semaine. Alors, la page Facebook, c'est Co-Trédunion Naître Ensemble. Venez rejoindre notre groupe. Alors, merci beaucoup, Laurence, pour ta chronique. Merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir été avec nous. Merci. Et on remercie, bien sûr, Mme Céline Dubé, qui a été avec nous plus tôt dans l'émission. Merci, Ingrid, à la recherche musicale et à la mise en onde. Alors, on va se laisser avec Mon ami d'en haut de JP Nataf. On vous revient la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Bonne journée, tout le monde. À mon ami d'en haut, quand il était chapeau, à mon ami d'en haut, à ce qu'il fut maître, à mon ami d'en haut, on se reparlera bientôt. Tes loques sur mon dos, tes ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons pas d'être né à né, de ne pas être mort idiot. Au compte de printemps, à ceux d'automne, au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie. Que vivre. donne chaud. Avant de quitter le manteau, les raisons passent une à une, de passer encore un Noël. Les saisons passent, j'imagine, nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée de se dérober à l'heure de se parler bien? À bientôt.